C'est une petite rue tranquille d'une banlieue résidentielle. Les maisons sont cossues, la chaussée déserte. Il tombe une fine pluie glaciale. En cette fin janvier, le jour s'efface vite. Il fait déjà nuit lorsque le téléphone sonne au numéro 35. C'est une très jeune fille qui décroche. À quelle heure rentre votre père? Demande une voix de femme à l'accent germanique. La jeune fille répond d'une façon évasive. Elle croit savoir que son père est parti en voyage pour la journée. Il rentrera sans doute dans la soirée. En tout cas, elle ne prête guère attention à ce coup de fil. Son père est un homme très occupé qui voyage dans le monde entier et brasse des affaires considérables. Le temps passe. Il pleut toujours. Soudain, deux phares déchirent la nuit. Une Renault 20 s'arrête devant la maison. C'est lui. Au volant, l'homme fait une marche arrière pour s'engager dans l'allée de son garage. Alors, une silhouette surgit. Huit éclairs, huit coups de feu qui claquent dans la nuit. Le conducteur de la Renault 20 s'est écroulé sur le volant. Quatre balles de 11.43 l'ont atteint. Le 11.43, le calibre des tueurs professionnels. Plus loin, une voiture démarre en trombe, tandis que dans la rue, des voisins, alertés par les coups de feu, ouvrent leurs volets. Mais il n'y a plus rien à faire pour l'ingénieur général Audran. Il est mort sur le coup. Quelques minutes plus tard, avant même que la police n'arrive sur les lieux, un correspondant anonyme téléphone au journal Libération et revendique l'assassinat de René Audran au nom d'Action Directe. Vous vous souvenez sans doute de cette affaire qui avait soulevé à l'époque, c'était en 1985, une intense émotion. Le général Audran était en effet un personnage aux fonctions considérables, puisqu'en tant que directeur des affaires internationales de la délégation générale à l'armement, il était le véritable patron des ventes d'armes françaises à l'étranger. Mais c'était en outre la première fois qu'une exécution de ce type, revendiquée par une organisation gauchiste, était perpétrée dans notre pays. Une exécution à la manière des brigades rouges italiennes ou de la bande à Bader, une première inquiétante. D'autant que, 10 jours plus tôt, Action Directe avait annoncé dans un communiqué son union avec les fractions armées rouges allemandes. Cet assassinat était-il la première manifestation de cette nouvelle alliance terroriste, de cet euro-terrorisme, comme on l'appellera? Autant vous le dire tout de suite, c'est moi qui, à la fin de l'année dernière, ai demandé à M. X s'il avait des informations sur Action Directe. Pourquoi? Parce qu'on parlait tous les jours du procès de Carlos et qu'il apparaissait pour de nombreux spécialistes que le terroriste le plus célèbre au monde avait été manipulé par le KGB. En était-il de même pour Action Directe? M. X ne m'a pas répondu tout de suite, mais je suis désormais habitué à écouter aussi ses silences. Puis enfin, il m'a dit qu'il réfléchirait. Peut-être aurait-il des éléments d'information intéressants à me communiquer un jour. Mais il lui fallait d'abord compulser ses notes et aussi interroger certains de ses amis. Je sais en effet que mon interlocuteur, même s'il n'est plus vraiment en activité, a gardé des contacts privilégiés dans les milieux du renseignement et sans doute aussi dans quelques cercles politiques influents. Ce qui explique que, semaine après semaine, il puisse me dévoiler autant d'affaires demeurées secrètes. C'est ainsi que, lors de notre rendez-vous de cette semaine, M. X a choisi d'ouvrir le dossier de l'assassinat de l'ingénieur général Audran. Un assassinat qu'on a présenté comme la première exécution d'Action Directe. Dans un instant, donc, la vérité sur cette affaire, une vérité bien éloignée de ce qu'on savait jusqu'à maintenant. Une fête dans le château. je serrais les poings. Je regardais danser Jane et son fiancé. Je serai pendu demain au jour. Dommage pour la fille de ce château, car je crois qu'elle aime bien l'amour que l'on faisait tranquille loin du château, dans le château de la de elle cachée dans le jardin. Moi je serrais les poings, je regardais danser Jane et son fiancé. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je crois d'abord qu'il faut bien comprendre quelles étaient les fonctions de René Audran. Il était ingénieur général de l'armement, c'est ça, hein? Oui, à ce titre, il avait le grade de général. Quelle formation? Polytechnique, bien sûr. Ah, pourquoi bien sûr? Parce que la délégation générale à l'armement est traditionnellement une charge gardée des polytechniciens. Autant vous le dire tout de suite, c'est une sorte d'État dans l'État. Que voulez-vous dire, non? Bien, la DGA a la haute main sur toute notre politique d'armement, aussi bien au niveau de la recherche que de la technologie, et bien sûr de la commercialisation. Wow, quand même, au-dessus, il y a le pouvoir politique, en principe. Hein. Ouais, en principe. Mais en réalité, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est la DGA qui impose ses choix. Le complexe militaro-industriel. Voilà, vous avez tout compris. Pour revenir à René Audran, qui en était le directeur des affaires internationales, il faut bien comprendre qu'il était en réalité la véritable éminence grise de l'exportation des armes françaises. Un homme très puissant, donc. Et qui avait la confiance totale de son ministre. Charles Hernu, c'est ça? Charles Hernu, oui. Le ministre chouchou des militaires. Ah bon, pourquoi? Parce que c'était bien connu, il ne le refusait rien. Bon, d'accord. Mais Audran... Eh bien, vous concevez que s'attaquer à un type de ce calibre, c'était mettre en cause toute la politique de vente d'armes de la France. Et en ces années 80, ces ventes d'armes étaient particulièrement lucratives. Je ne vous donnerai de mémoire qu'un seul chiffre. En 1984, le commerce français des armes s'est traduit par un excédent de plus de 30 milliards de francs. C'est coquet, en effet. Oui, puis ça suscitait beaucoup de jalousie. De la part des autres exportateurs. Naturellement. Vous savez bien qu'en ce domaine, nous en avons déjà parlé, les rivalités sont féroces et puis tous les coups sont permis, même entre alliés. Et encore plus quand les marchands d'armes appartiennent à des camps opposés. Alors justement, sous l'impulsion de François Mitterrand, la DGA avait commencé à s'attaquer à des marchés traditionnellement dévolus aux soviétiques. Vous avez des exemples ? L'Algérie. Et c'est René Audran en personne qui avait négocié. Négocié quoi ? Pour la vente d'un système de radar. Un marché énorme. Mais ce n'était pas tout. Il était aussi question d'avions et de blindés. Pour la plus grande fureur, jalousie des soviétiques, j'imagine. Exactement. D'autant qu'en Inde, on leur avait déjà fait le coup et on leur avait déjà soufflé un marché de plus d'un milliard de dollars. En attendant de placer là-bas une quarantaine de mirages. Mais... là, les soviétiques s'étaient fâchés pour de bon et ils s'étaient débrouillés pour faire expulser notre attaché militaire sous le prétexte qu'il était un espion. Ouais, une accusation vraiment fausse ? Évidemment. En fait, ce colonel était l'un des collaborateurs les plus efficaces de René Audran et il convenait d'éliminer ce dangereux concurrent. Mais d'après tout ce que vous me dites là, les gens qui avaient le plus d'intérêt à se débarrasser de l'ingénieur général Audran, c'était donc les soviétiques. Oui, c'était l'hypothèse la plus crédible. Et pourtant... ce ne sont pas eux qui ont frappé, puisque c'est Action Directe qui a revendiqué l'assassinat. D'accord. Mais quand on regarde de très près le texte de cette revendication, un texte entre parenthèses qui a été diffusé simultanément en France et en Allemagne, on note des choses quand même très curieuses. Expliquez ça. Eh bien, on s'aperçoit que les gens d'Action Directe semblent s'être purement et simplement alignés sur les tests soviétiques. Soyez plus précis. Écoutez, je ne vais pas vous réciter par cœur ce communiqué de revendication. Bon, ça serait un petit peu trop fastidieux. Puis j'ai en horreur la langue des bois, alors... résumons. D'abord, Audran est présenté comme un élément clé du dispositif impérialiste. Ensuite, Action Directe accuse la France, qui vient de créer sa force d'action rapide, de menacer en priorité les pays socialistes. Oui, c'est en effet assez troublant. Un dernier point, Action Directe prétend aussi que la France, en voulant accroître la coopération militaire en Europe, rejoint de fait la structure de l'OTAN. Or, c'est ce que ne cessent de dire les dirigeants de l'URSS. Conclusion ? Eh bien, apparemment, Action Directe est sous influence soviétique. Et l'assassinat de l'ingénieur général Audran aurait donc été commandité par le KGB ? Ce qui me semble logique, non ? Mais la vérité ? Attendez, l'assassinat de René Audran n'était pas un acte isolé. Même si c'était une première en France. Oui, mais il fallait voir les choses à plus grande échelle, au niveau européen en tout cas. Or, tous les gens bien informés étaient persuadés qu'une sorte d'internationale du terrorisme était en train de se mettre en place. Mais quelles étaient les informations qui leur permettaient de le penser ? Écoutez, je ne vais pas entrer dans les détails, mais sachez qu'en 1984, quelques mois avant l'assassinat d'Audran, les policiers allemands avaient découvert une planque de la fraction Armée Rouge. La bande à Bader. Oui, et dans cette planque, ils avaient trouvé une masse de documents. Des documents de quel ordre ? Il s'agissait essentiellement de plans d'action. Des actions qui visaient en priorité les installations militaires américaines en Allemagne et des dispositifs de l'OTAN en France et en Belgique, tels que des pipelines. Et qu'en ont conclu les policiers allemands ? Les plans étaient tellement précis, tellement détaillés, qu'à l'évidence, les organisations gauchistes allemandes, belges ou françaises n'avaient pu les établir seules, non. Elles avaient été aidées. Puissamment aidé. Et derrière tout ça, il ne pouvait y avoir qu'un service de renseignement et un service de premier plan. JB, refais-moi le coup de funky, funky, funky, funky. Hey! Mr. JB, refais-moi le coup de funky. Le KGB manipulait-il Action Directe? Nous y revenons tout de suite avec la suite de l'enregistrement de mon entretien avec M. X. Mais avant, je voudrais vous donner quelques détails qui éclairent les activités de René Audran. J'ai trouvé dans le livre de Pierre Marion, écrit en 1990, « Le pouvoir sans visage ». Pierre Marion, qui a été, je vous le rappelle, l'éphémère patron de nos services de renseignement au début des années 80. J'ai trouvé donc une analyse sans concession de cette délégation générale à l'armement. La seule énumération de ses fonctions, écrit Marion, suffit à souligner le caractère exceptionnel, presque exorbitant, d'un organe qui paraît n'avoir d'équivalent dans aucun pays. Elle lui confère un rôle à la fois étatique, technologique, industriel et commercial. Plus loin, l'ancien patron de la DGSE précise que pour assumer ses missions, la DGA dispose de moyens puissants. Elle emploie 73 000 personnes, dont plusieurs milliers d'ingénieurs ou techniciens supérieurs, et gère un imposant ensemble d'établissements industriels qui regroupe 48 000 personnes. Marion écrit encore : les missions de la DGA, les pouvoirs qu'elle détient en matière de technologie et d'industrie, l'importance de ses moyens propres lui confèrent une puissance et une influence qui en font le point focal du complexe militaro-industriel. De plus, le délégué général, placé directement auprès du ministre, est investi d'un grand pouvoir, plus important, disent certains, que celui du chef d'état-major des armées. Donc, si j'ai bien suivi votre démonstration, ce service de renseignement qui aurait aidé, comme vous dites, les gauchistes de la bande à Madère et les membres d'Action Directe, c'est le KGB. Ça paraît évident à tout le monde. Comme paraissent évidents les liens qui unissent toutes ces organisations gauchistes européennes. La preuve, c'est qu'on a pu établir scientifiquement que ces mouvements partageaient aussi armes et explosifs, sans compter les militants. Finalement, pour vous, Action Directe aurait donc exécuté un contrat, pour le compte des soviétiques. Oui, enfin, c'est ce que nous avons tout de suite pensé, parce que c'était la solution la plus logique. Mais dans ce genre d'affaires, il faut quand même se méfier des évidences. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il fallait aussi examiner toutes les autres hypothèses. Je vous connais, vous allez dire, chercher à qui profitait le crime. Voilà. Attention, je ne remets pas en cause ce que je vous ai dit. Les soviétiques, sans aucun doute, ont aidé, financé, armé certaines organisations gauchistes en Europe, c'est certain. Mais dans le cas d'Audran, c'était peut-être plus compliqué. Et ce qui nous a étonnés dans le communiqué de revendication dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un communiqué très pro-soviétique, c'est ça. Et surtout très anti-américain, très anti-OTAN. Donc ce qui nous a étonnés, c'est que l'ingénieur général Audran n'était en aucune façon lié à l'OTAN. Et qu'il n'était pas non plus concerné par la force d'action rapide qui était la bête noire des soviétiques. Non. Son job à lui, c'était les ventes d'armes. Rien que les ventes d'armes. Et croyez-moi, ça suffisait à l'occuper. Ouais. Alors, de quel côté regardez-vous si vous abandonnez provisoirement la piste KGB? Bien, les candidats sont légion, vous l'imaginez bien. Tous les États marchands d'armes. Pensez que dans l'histoire indienne que je vous ai racontée tout à l'heure, on a même soupçonné un instant nos bons amis anglais d'avoir torpillé nos affaires. Ce ne sont quand même pas les Anglais qui ont fait assassiner Audran. Bien sûr que non. Et dans l'affaire indienne, je vous l'assure, ce sont bien les Soviétiques qui nous ont mis les bâtons dans les roues. Bon, peut-être. Mais ne vous égarez pas là. Qui soupçonnez-vous dans le cas de René Audran? Bien d'abord, on a établi que l'ingénieur général était une cible depuis déjà longtemps. C'est-à-dire? Un an plus tôt, Audran avait eu l'impression d'être suivi. Et il avait aussitôt bénéficié d'une protection du ministère de la Défense. Une protection qui a duré longtemps, non? Je ne peux pas vous le dire avec exactitude. En tout cas, au moment de son assassinat, Audran ne bénéficiait plus de ses mesures de protection. C'est exact, et pourtant nous savions qu'il existait des menaces terroristes. Bah, et comment expliquez-vous cette grave négligence quand même? Bah, sous le premier septennat de François Mitterrand, les choses n'étaient pas vraiment simples. Bah, que voulez-vous dire? Eh bien, je crois que nous en avons déjà parlé ici même. Dans les services, passez-moi l'expression, on se bouffait le nez. Il y avait le SDEC, rebaptisé la DGSE, que le nouveau pouvoir n'estimait guère. Il y avait la DST, que Mitterrand, non sans quelques raisons, soupçonnait d'avoir eu des activités politiques peu recommandables. L'affaire des plombiers du Canard enchaîné, par exemple. Par exemple, oui. Et puis, à côté de la DGSE, de la DST, il y avait aussi la cellule antiterroriste de l'Élysée. Les gendarmes. Oui. Vous connaissez leurs exploits. Oui, oui. Mais, alors tout ça, ça tirait à U, à DIA, et la coordination de ces différents services était vraiment difficile. Et puis l'information ne passait pas toujours très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, je veux bien le croire. Et puis, nous aurions gagné du temps et peut-être sauvé la vie de René Audran si nous avions su plus tôt qu'il était, semble-t-il, une cible. Enfin, bref. Il était mort et il fallait essayer de comprendre. Nous avons donc cherché dans son passé professionnel et nous avons trouvé une première piste. Ah, je vous écoute. Audran s'était opposé à une vente d'armes à la Syrie. Une vente de missiles, pour être tout à fait précis. Et pourquoi ? La France avait de bonnes raisons de penser que la Syrie était un État qui soutenait les terroristes qui frappaient nos intérêts ou qui plaçaient des bombes chez nous. On savait par exemple que c'était la Syrie qui avait armé les assassins de notre ambassadeur à Beyrouth, Louis Delamarre. Et nous n'avions pas réagi. Le président Mitterrand, par principe, était hostile aux opérations Homo. C'est-à-dire les assassinats en représailles, c'est ce que ça veut dire, Homo. On ne peut pas officiellement supprimer la peine de mort et officieusement ordonner à nos services secrets de perpétrer des meurtres. C'est logique. Il y a aussi la raison d'État. Ah, donc vous voulez dire que Mitterrand a peut-être donné son feu vert à quelques opérations Homo, quand même. Vous pensez ce que vous voulez. Mais demandez-vous pourquoi. Quelques semaines après l'assassinat de Louis Delamarre, une voiture piégée a explosé près du siège de la présidence du Conseil à Damas. Un attentat particulièrement meurtrier puisqu'il a fait une soixantaine de victimes. Et pour vous, ça, c'était les Français ? Pas seulement. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Dans ce genre d'affaires, on a parfois besoin de l'assistance de vieux amis. Et les services irakiens étaient très bien implantés à Damas. Donc les Irakiens nous auraient donné un coup de main ? On ne peut pas en dire plus. Bon, je ne voudrais pas qu'on s'éloigne trop de l'affaire Audran. Mais est-ce que ce sanglant attentat a servi de leçon aux Syriens ? Pas du tout. Ils ont récidivé en 1982 en faisant sauvagement assassiner un de nos agents à Beyrouth et son épouse. Puis en piégeant la voiture d'un collaborateur de l'ambassade de France à Beyrouth. Et il y a eu à nouveau des représailles ? Non. Non, le gouvernement de l'époque a préféré la négociation. Une négociation tout à fait secrète. Bien entendu. Le frère du président Hafez el-Assad, Rifat, est venu opportunément en France. Or, nous le savions, c'était lui, le véritable patron des services secrets syriens. Donc, on a pris langue avec lui et un accord a été conclu. Quand vous dites « on », Vous imaginez bien que tout cela s'est passé à un très haut niveau et avec le plein accord du pouvoir politique. Alors, parlons de cet accord, justement. Bien, il prévoyait que les Syriens régleraient leurs comptes ailleurs que chez nous. Et en contrepartie, nous, que leur a-t-on promis ? Les Syriens ne sont pas repartis les mains vides. Mais précisément. Désolé. Bon, et les Syriens ont respecté cet accord ? Sur notre territoire, oui. Ailleurs, ça, c'est moins sûr. Ailleurs. Essentiellement au Liban. Mais ça n'était pas étonnant, puisque les Syriens ont toujours considéré que le Liban faisait partie intégrante de leur pays. Alors, quand ils ont vu des militaires français débarquer au Liban... Mais dans le cadre de la force multinationale. Oui, ça ne leur a quand même pas fait plaisir. Et beaucoup de nos soldats l'ont payé de leur vie. Mais rapidement, nous avons compris que derrière les Syriens, un autre adversaire se profilait. Et celui-là, nous allons aussi le retrouver dans l'affaire Audran. Gonna fall in love with. He's all the things I'll never be to you, yeah. I know he's all in my mind, the man you're gonna fall in love with. But it's real enough to steal your heart, no matter what I do. The man you're going to fall in love with, the man you're going to fall in love with, the man you're going to fall in love with after you leave me. I know it's premature, but I hate that bastard, whoever he is. And I'll hate him more. Oh, when you're Tout au long de l'année 1983, je l'ai vérifié, les militaires français de la force multinationale, une force qui est venue au Liban à la demande du gouvernement de ce pays, sont victimes d'agressions variées. 17 soldats sont tués et plusieurs dizaines sont blessés. Presque quotidiennement, les positions françaises sont bombardées. Et quand le commandement obtient la certitude que ces bombardements sont l'œuvre d'artilleurs syriens et druzes, Paris décide de réagir. 4 super-étendards décollent du porte-avions Foch et bombardent les artilleurs syriens qui sont installés sur la route de Damas. Est-ce que la leçon va suffire? Apparemment non. Puisqu'un mois plus tard, c'est la terrible hécatombe de l'immeuble Drakkar. 58 militaires français périssent au cours de cet attentat au camion piégé. Quelques minutes plus tôt, un autre camion kamikaze avait tué 241 Marines américains. Qui a frappé? On pense naturellement aux Syriens. Mais assez vite, Américains et Français identifient les vrais auteurs de ces deux attentats. Ce sont des miliciens chiites du Hezbollah. Et derrière, il y a l'Iran. Et c'est à ce pays que M. X faisait clairement allusion quand j'ai interrompu notre entretien. L'Iran, je vous le rappelle, avait de bonnes raisons de nous en vouloir. Parce que la France soutenait l'Irak. Hein. Et était son principal pourvoyeur d'armes, alors que la guerre faisait rage entre les deux pays. Et puis, il y avait aussi le contentieux Eurodif, cet uranium tant convoité que la France s'obstinait à lui refuser. Ouais, un contentieux qui explique, selon vous d'ailleurs, la mystérieuse disparition du PDG de la FNAC, Michel Barrois. Exactement. Hein. Enfin, rien n'est jamais simple, vous le savez bien. Il y a les discours et puis il y a le réalisme. Et dans le cas qui nous occupe, le réalisme imposait de ne pas tout à fait couper les ponts avec l'Iran. Ce qui veut dire ? Qu'il ne fallait pas forcément mettre tous nos œufs dans le même panier. Bon, d'accord, on aidait l'Irak en lui vendant des armes, en lui fournissant des avions, parfois prélevés sur les stocks de l'armée française, mais avait-on vraiment intérêt à ce que l'Irak écrase l'Iran ? Et surtout, pouvait-on négliger le formidable marché iranien ? Vous me comprenez ? Donc il était... comment dirais-je, tentant de vendre des armes aux deux parties. Tout à fait. Et cette guerre horrible qui se prolongeait, c'était pain béni pour les marchands de canons. Seulement, il fallait être discret. Pour ne pas fâcher nos amis irakiens. Bien sûr. Et puis aussi pour ne pas avoir l'air de contredire la politique officielle de la France qui était le blocus et l'interdiction de toutes les livraisons d'armes à l'Iran. Donc, d'après vous, on a livré clandestinement des armes à Roménie. Bien évidemment. Rappelez-vous l'affaire Luchère. C'est un de vos confrères de la presse de la Manche qui a révélé l'affaire. Oui, je me souviens. Il a écrit que 3 cargos chargés de munitions avaient quitté Cherbourg pour gagner un port iranien. Et ces informations se sont révélées parfaitement exactes. Oui, ça fait scandale d'ailleurs. Vous croyez vraiment? C'est que vous avez mauvaise mémoire. L'affaire a été révélée en 1986, juste avant les élections législatives. Oui. Aussitôt, le ministère de la Défense a porté plainte contre la société Luchère, coupable d'avoir exporté frauduleusement des centaines de milliers d'obus d'artillerie à destination de l'Iran. La droite est arrivée au pouvoir quelques jours plus tard. On aurait pu croire que l'enquête allait être diligentée rapidement. Mais pas du tout. Au contraire, l'enquête traîne, s'enlise. Il faut attendre plus d'un an pour voir les premières inculpations. Et ensuite, je me souviens plus. Rien. François Mitterrand est réélu en 1988. L'enquête n'a toujours pas abouti. Et soudain, miracle, la justice prononce un non-lieu. Il n'y a jamais eu d'affaire Luchère. Et ce qui signifie quoi, selon vous, là? Parce que vous avez comme quelque chose derrière la tête. Qu'il existe tout simplement des intérêts supérieurs qui se moquent bien de savoir si la majorité est de droite ou de gauche. Des intérêts économiques. Naturellement. Et le pouvoir politique était au courant? Comment pouvez-vous sérieusement imaginer qu'on puisse livrer des quantités aussi considérables d'obus sans que les autorités de l'État ne le sachent? D'autant, je vous le rappelle, qu'une société nationale était aussi compromise, la SNPE. Société nationale des poudres et explosifs. Mais ce trafic, là, ça a duré depuis longtemps. Oui. Et Audran? J'y viens. Mm-hmm. À la fin de l'année 84, les Égyptiens interceptent un cargo chypriote dans le canal de Suez. Ils le contrôlent et découvrent à son bord 30 000 obus fabriqués chez Luchère et vraisemblablement destinés à l'Iran. Aussitôt, les services égyptiens alertent leurs homologues français, qui informent à leur tour le pouvoir, mais à Paris, on choisit de faire le dos rond et on étouffe l'affaire. Seulement, il y a eu des fuites. Des fuites de quel ordre? Oh, sans doute du côté égyptien. Et au début janvier 1985, un journal grec pose crûment la question. La France livre-t-elle des armes à l'Iran? À Paris, c'est la panique. Si l'information est reprise par la presse française, le scandale va éclater. Et très vite, l'ingénieur général Audran prend les devants. Il savait donc, lui? Comment aurait-il pu ne pas savoir? C'est lui qui contrôlait toutes les ventes d'armes à l'étranger. Donc, je vous le disais, il prend les devants et interdit toute nouvelle livraison d'obus ou d'explosifs à l'Iran. 15 jours plus tard, il est assassiné. C'est clair, non? Oui, mais enfin, c'est quand même Action Directe qui l'a assassiné, c'est pas les Iraniens. C'est juste. Quand les types d'Action Directe seront arrêtés plus tard, on trouvera même chez eux l'arme du crime. Mais ce n'est nullement contradictoire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de contrat. Bien voilà, ils ont exécuté le contrat seulement. Ce n'étaient pas les Soviétiques qui le leur avaient commandé, mais les Iraniens. Et à votre avis, là, ces types d'Action Directe, ils savaient, eux, que c'était les Iraniens qui avaient passé le contrat? Honnêtement, je n'en sais rien. Et puis, quelle importance, à mon avis, ça ne devait pas être trop difficile de persuader ces types un petit peu fêlés d'exécuter un homme qui était le symbole vivant des ventes d'armes à l'étranger, le chef des marchands de canons français, en somme. Après avoir enregistré cet entretien avec M. X, j'ai feuilleté un livre qui vient de paraître, L'histoire des services secrets français de l'américain Douglas Porsche, livre paru chez Albin Michel. Porsche donne une version un peu différente de celle de mon interlocuteur, je le cite. Le général Audran semble avoir été victime du désordre régnant dans les hautes sphères gouvernementales, tandis que le Quai d'Orsay maintenait un cap pro-irakien. Le ministre de la Défense, Charles Hernu, avait entamé avec l'Iran des négociations secrètes portant sur des ventes d'armes par l'intermédiaire d'Audran. Selon une hypothèse, Rafsanjani ordonna l'assassinat de ce dernier lorsque Mitterrand intervint pour empêcher que soient honorées les commandes passées par Téhéran. Par ailleurs, j'ai trouvé dans Le Monde diplomatique de mars 1988 un article d'Alain Grèche sur les ventes d'armes. Le journaliste écrit « L'affaire Luchère l'atteste, la logique du lobby des marchands de canons a souvent prévalu sur d'autres considérations et une trentaine d'États, depuis le début de la guerre du Golfe, ont fourni du matériel militaire à la fois à l'Irak et à l'Iran. Les gouvernements ont été confrontés à de telles pressions des forces économiques qu'ils ont approuvé des contrats d'armes que, pour des raisons politiques, ils auraient plutôt empêché. » Enfin, je voudrais soumettre à votre réflexion les conclusions d'un petit livre de Jean-Paul Hébert sur les ventes d'armes, paru en 1988 chez Syros. L'auteur démontre, chiffres à l'appui, que les ventes d'armes ne sont pas aussi rentables pour l'économie française qu'on le prétend habituellement. Il faut en effet tenir compte des aides et des subventions que l'État distribue généreusement aux sociétés qui fabriquent des matériels militaires. Conclusion de Jean-Paul Hébert, les exportations d'armes résultent plus d'un choix politique que d'impérieuses nécessités économiques. Un dernier mot. Monsieur X m'a promis de me parler un jour plus longuement des activités d'Action Directe. Je vous retrouve samedi prochain sur France Inter en compagnie de Monsieur X. Thank you.